Voyez tout le sang que coûte un triomphe. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire, c'est de l'épargner. Louis XV au Dauphin, le soir de la bataille de Fontenoy, le 11 mai 1745. J'en veux le poème fringant fait par le maître Voltaire. Quoi qu'il ait de l'esprit tant est-ce que nous devons nous taire. Pour briller tout comme lui, je n'avons qu'à chanter Louis. Je n'avons qu'à chanter. Et toi, brave maréchal, toi de Saxe, le grand comte, si l'on trouvait ton égal, je dirais bon que chien de comte, car je n'y vois que ce roi qui puisse l'emporter sur toi, qui puisse l'emporter sur toi. Vous aussi, braves guerriers, colonels et capitaines, et vous autres officiers que Dieu de l'Orient pas interroge, direz ce qui vous convient, mais un moment.